On est ici dans une cuisine mobile à Bruxelles qui donne de l'aide aux migrants au parc Maximilien qui font de la distribution, qui faisaient de la distribution dans le parc Maximilien avant. Maintenant, je suis ici avec une volontaire qui a travaillé plutôt ici dans la cuisine mobile pendant la période de confinement. On va maintenant donner une description de ce qui s'est passé pendant le confinement ici à Bruxelles et avec les cuisines mobiles à l'aide aux migrants. Ben voilà, salut, bonjour. Bonjour. Donc toi, t'es plutôt commencé ici dans la cuisine mobile juste avant le confinement. Et voilà, est-ce que tu peux nous un peu dire comment t'es arrivé ici ou qu'est-ce qui t'a emmené ici et comment t'as fait connaissance avec cette cuisine mobile? En fait, il y avait besoin de volontaires pour la cuisine quand je suis arrivée en février. Donc j'ai répondu à un appel qui a été lancé sur les réseaux, surtout Indie Media. À ce moment-là, la cuisine servait encore les repas au parc Maximilien, là où toutes les personnes réfugiées et sans-abri vivent toute la journée, donc on servait sur place. Et à partir de l'annonce du confinement le 13 mars, 2 jours après, tout le parc Maximilien a été évacué par la police, sans aucune solution d'hébergement ou d'hôtel ou de squat où aller. Donc les gens erraient complètement dans les rues. Ce midi-là, nous, on avait pour objectif de servir comme d'habitude à manger au parc. Donc on a dû s'adapter, on a complètement changé de méthode. On a sillonné les rues avec notre nourriture, avec plusieurs voitures, en cherchant les gens, en se faisant arrêter par la police parce que ce qu'on faisait, c'était devenu illégal. On n'avait pas le droit, en fait, de donner à manger aux gens dans la rue parce que, soi-disant, on rassemblait les gens. Donc c'était interdit. Mais on a réussi cette journée-là à le faire. Donc on était très contents d'avoir pu le faire. Et par la suite, très vite, ça a changé, évidemment, parce que toutes les associations et les groupes collectifs comme nous qui distribuaient à manger se sont indignés en disant comment est-ce qu'on va faire pour distribuer tous les jours, midi et soir. Et donc, il y a eu un nouveau lieu qui a été ouvert, qui est au Quai des Péniches, près de l'allée du Caille, à Molenbeek. Et depuis mi-mars ou fin mars, c'est maintenant là-bas que ça se passe, toutes les distributions. C'est beaucoup mieux organisé, si je peux dire, parce qu'il y a une coordination qui a été ouverte par la Croix-Rouge et la ville de Bruxelles. Et donc voilà, on se répartit maintenant les jours et les horaires avec plusieurs associations ou collectifs pour distribuer la nourriture là-bas. Et comment tu penses que tout d'un coup, quand même, la politique locale a réagi? Est-ce que c'est qui a mis pression? Est-ce qu'il y a eu des groupes qui ont fait un peu de lobby politique pour avoir un lieu de distribution? Nous, on n'a pas fait de pression, mais personnellement, je pense que c'est la Croix-Rouge qui est très proche de la ville de Bruxelles. Ils travaillent vraiment main dans la main. Et donc, c'est eux deux qui ont mis en place ce système de coordination. Il y avait déjà un projet, en fait, de changer de lieu à la base, même avant l'annonce du confinement, bouger toutes les personnes du parc Maximilien dans un autre lieu, beaucoup plus éloigné, moins visible, pour cacher toutes ces personnes qui font peur à certains habitants de Bruxelles, qui ne veulent pas voir ça dans la ville. Et donc, ce lieu était déjà en négociation entre la Croix-Rouge et la ville de Bruxelles. Enfin, je dis Croix-Rouge, mais je pense qu'ils sont plusieurs concernés. La Croix-Rouge, elle fait partie, je pense, des négociations, mais sans être vraiment impliquée dedans. C'est vraiment encore au-dessus, au niveau politique, que ça se passe. Finalement, ce lieu-là, je crois que, en fait, on n'a aucune nouvelle, nous, en tant qu'asso ou collectif, personne ne sait où ça en est. Et donc, solution de repli pendant le confinement, c'était Quai des Péniches. Mais là aussi, les habitants, les personnes qui habitent dans ce lieu-là ne sont pas du tout contentes d'avoir midi et soir des distributions. Toutes les personnes sans papier et les personnes sans abri qui arrivent, qui mangent sur place, ça ne plaît pas du tout aux habitants. C'est devenu un quartier un peu avec des appartements de luxe et oui, tout ça. Hein. Donc, ça a quand même fort changé aussi au long du canal. Donc, c'est ça. C'est une zone qui est en travaux et effectivement, toutes les personnes qui habitent là-bas, c'est appartenants, pas du tout, de voir des distributions juste en bas de leur immeuble. Donc eux aussi font pression sur la ville de Bruxelles. Plus de ça, pendant le confinement, c'était très très compliqué parce qu'on avait beaucoup d'ennuis avec la police. Parce qu'il fallait faire respecter les distances de sécurité. Et quand il y a 500 personnes qui attendent pour manger, c'est pas non plus notre rôle, nous, de faire les distances. Et on voulait pas avoir ce rôle-là de flic. La ville de Bruxelles a installé un peu des caméras partout. Donc dès qu'ils voyaient qu'on respectait pas les distances, 5 minutes après, les camions de police arrivaient. Si, si, on a déjà eu des contrôles d'identité de personnes de notre collectif et d'autres associations aussi, et de policiers vraiment très virilistes et très mal intentionnés qui se permettent de toucher les personnes et de leur parler de manière vraiment violente et agressive. Et par la suite, ça a changé parce que la Croix-Rouge coordonne le lieu maintenant et donc parle avec la police. Et nous a dit, c'est bon, la police ne viendra plus. Mais donc, eux, ils sont venus pour faire un peu le travail de la police aussi, quoi. Ils viennent avec des personnes qui sont censées faire respecter les distances. Donc bon, maintenant, ça se passe mieux. Mais voilà. Au début, c'était compliqué, ouais. Avec les flics, c'était très compliqué. On savait, en y allant, que potentiellement, ils allaient venir, que potentiellement, on allait se faire nous-mêmes contrôler et qu'on allait devoir donner nos identités. Dans notre cuisine mobile, on est des bénévoles, des volontaires. Des personnes qui ont des papiers, mais des personnes qui n'ont pas de papiers aussi. Et donc on sait que si on va là-bas à distribuer et que ces personnes viennent avec nous et peuvent potentiellement se faire contrôler, nous aussi on aura des problèmes, quoi. Donc on en a parlé avec la Croix-Rouge et ils ont fait en sorte de régler le problème, etc. Mais c'est... Ah, donc c'est chouette, donc votre équipe est vraiment assez diverse. Ouais. Et donc il y a aussi des personnes sans papiers, mais même papier. qui ouais. viennent aider avec vous. Ouais. Oui, il y a des personnes qu'on voit aux distributions. Encore aujourd'hui, il y a une personne qui nous a demandé comment est-ce que je peux joindre la cuisine. Et voilà, on lui donne l'adresse et il vient cuisiner avec nous. S'il a des idées de repas à faire. C'est plutôt des migrantes sans papiers qui sont ici déjà longtemps à Bruxelles ou c'est... Non, c'est des personnes qui sont... Il y a des gens qui sont de passage. Qui veulent partir pour l'Angleterre, donc qui essayent, qui reviennent. Le temps qu'ils sont là, ont envie de venir et s'investir. On voyait à l'autre côté, donc tu dis, bon, il n'y avait même plus d'hébergement, plus rien prévu, donc les gens, après avoir eu la manger, ils vont où ? En fait, c'est vrai que la ville de Bruxelles et la Belgique en général a mis énormément de temps à réagir à la crise. À la pandémie, il y a eu vraiment un laps de temps où toutes les personnes sans abri et sans papier se retrouvaient dans la rue et on savait pas du tout comment faire pour les héberger. Nous, c'est pas notre but de les héberger, mais petit à petit, les associations comme la Croix-Rouge, la plateforme citoyenne ont ouvert des lieux, qu'ils aient tenu des hôtels pour héberger les personnes. Petit à petit, mais ça a vraiment pris longtemps, hein. Je crois que ça a pris une semaine, deux semaines à vraiment se mettre en place et à pouvoir loger le maximum de personnes. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de ces personnes-là qui vivaient dans la rue et qui n'avaient absolument aucun endroit où aller, quoi. Et les flics étaient au parc Maximilien, impossible d'y retourner, on se faisait chasser, quoi. Mais du coup, oui, et je crois que... Je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, mais je pense que ces lieux, donc les hôtels qui ont été ouverts, il y a un camp aussi, Croix-Rouge, à Bruxelles, qui héberge, sont encore ouverts maintenant, mais à mon avis, ça ne va pas tarder à fermer, quoi. Donc c'est tous des trucs temporaires. C'est temporaire et on se pose tous la question, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on peut retourner au parc Maximilien ? Mais on a vraiment rien de sûr, quoi. Donc pour le moment, c'est vraiment que des péniches, les squats et les hôtels qui restent ouverts. Et on parle d'environ de combien de personnes ? Le midi, il y a, je pense, entre... Ça, c'est très variable, mais il y a entre 200 et 350 personnes qui viennent. Et le soir, c'est plus 400 personnes. Et donc, il y a une coordination pour faire des shifts, pour... Oui, en fait... C'est toujours... Et chacun essaye de faire pour 400 personnes. Oui, c'est ça. Matin, midi, soir, tout. C'est ça. C'est surtout la Croix-Rouge, en fait, qui nous envoie les chiffres. Mmh. Parce que tout le temps, à chaque distribution, après, on fait les comptes de les repas, combien on en a fait, combien on en a donné, et quels sont nos restes. Et après, eux, ils font une espèce de... Je ne sais pas comment ils font, mais ils reviennent vers nous en disant, OK, cette semaine, c'est plus tant qu'il faut faire le midi et tant qu'il faut faire le soir. Et nous, on s'adapte à ça. Mais c'est vraiment hyper variable. La semaine dernière, on n'a pas fait assez. Par exemple, cette semaine, aujourd'hui, on a 100 repas de reste. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il pleut, il y a moins de personnes qui vont venir. Pendant le ramadan aussi, par exemple, le midi, il n'y avait personne. Et le soir, c'était énormément de gens, entre 500 et 700 personnes. Donc voilà, c'est très variable. Mais tout en sachant quand même, j'ai ajouté un truc, c'est que ce lieu-là, c'est pas le seul lieu de Bruxelles où nous... Alors nous, on fait beaucoup de récup et on se débrouille bien. On a des volontaires qui connaissent tous les lieux de Bruxelles où aller et du coup, qui nous ramènent souvent énormément de légumes. Et on a une cuisine végane, donc on cuisine beaucoup de légumes, on fait soupe et riz. Et sinon, on achète quand on a besoin de condiments ou d'huile ou choses comme ça. Et les sous, c'est que des dons. Mmh. Nous, on n'est pas subsidiés par aucun pouvoir public, par rien du tout. Mais on avait ouvert un crowdfunding qui a très, très bien marché. La cuisine avait été ouverte par des internationaux. Donc voilà, on a envoyé le lien à plein de gens en Europe et ça a super bien fonctionné. Et là, on est rassurés parce qu'on sait qu'on a assez pour tenir plusieurs mois. Mais voilà, du coup, c'est récup et dons. C'est un groupe international aussi. À la base, oui, c'est des personnes... Il y avait des Allemands et Français et Belges. Enfin, je sais pas trop te dire. Mais oui, à la base, c'est ça. Il y a un besoin à Bruxelles. Les gens qui ont déjà ouvert une cuisine en Italie, Cascagna, Ventimiglia, sont venus et ont ouvert la cuisine ici. Et ensuite, c'est faire un appel pour que les locaux viennent être volontaires et les laisser gérer la cuisine et repartir, et si besoin, dans un autre lieu pour réouvrir une autre cuisine. Parce que ça, je me souviens qu'il y a eu un appel un peu pour créer ce groupe local. Ouais. Est-ce que ça a marché un peu, cet appel, groupe local ? C'était quand ? Avant le confinement encore, c'était aussi sur un des médias. Je pense que c'était plutôt pour qu'il y a plus de Bruxellois qui s'impliquent. Oui, oui, mais c'est l'appel sur Indie Media. Oui. Ouais, mais c'est à cet appel-là que j'ai répondu. Et ça avait bien marché, ouais. Enfin, ça a bien marché. En fait, il y a eu énormément de gens qui sont venus pour découvrir un peu le projet. Et ensuite, on en a perdu beaucoup au fil du temps. Mais non, pendant le confinement, on a mobilisé énormément de personnes et on était très contents. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas d'activité du coup parce qu'ils avaient arrêté de travailler, donc ils venaient à la cuisine nous aider, et puis ça a fait un renouveau de volontaires. Parce que moi, je me souviens quand même aussi que vous demandez vraiment des groupes assez autonomes aussi qui ont déjà d'habitude de cuisiner tous ensemble. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Ah, oui. Ouais, c'est vraiment, on accepte tout le monde, peu importe si tu veux aider pour un tout petit truc de temps en temps ou tout le temps, tout le monde est bienvenu, quoi. Évidemment, si tu sais faire à manger en grosse quantité, c'est parfait. Mais but, c'est vraiment de s'apprendre les uns les autres et de se faire passer le savoir. Et puis ce qu'on fait, c'est quand même assez simple, c'est basique. Donc, Juste un dernier mot, alors. Je t'ai parlé un peu de cette campagne de Côte en solidarité. Est-ce que la cuisine mobile, est-ce qu'elle a aussi des objectifs politiques, ou est-ce qu'il y a plutôt des gens un peu de partout qui sont impliqués aussi dans la lutte C'est vrai qu'on est, on est essentiellement dirigé vers l'aide alimentaire, et c'est vraiment notre seul but. Après, les personnes qui sont dans ce collectif, en dehors, font certaines actions, mais c'est vraiment individuel, quoi. Tu vois, il n'y a pas une mission, nous, de politique. On se concentre vraiment sur la cuisine, en fait. Mais vous attendez quand même pas mal des histoires, Bien des migrants, sûr. Des contacts que vous avez. Mais je veux dire, ensemble, on ne fait pas ça. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment une réflexion. Non. Ouais, mais peut-être dans le futur, ça serait bien. Ouais. Ça va. Bon, merci. Et à toi. Comme ça, tu participes quand même à la réaction politique avec cette interview. Merci. Merci beaucoup.